Jésus-Christ en tant que Messie. Nous ne pouvons pas jouir de son œuvre en tant que Messie. Celui qui est venu sauver, celui qui est venu délivrer Israël. Jésus-Christ n'était pas considéré comme notre Messie. Il était comme le Messie d'Israël seulement. Quatrièmement, nous étions privés du droit de citer en Israël. Vous savez, lorsque on n'était pas juif, les non-juifs n'avaient pas de droit de cité, c'est-à-dire ils n'avaient pas la citoyenneté juive, vous voyez. Ils étaient donc exclus. Nous n'avons pas le droit de cité. Nous ne pouvons pas jouir de certains privilèges. Cinquièmement, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, à Isaac, à Jacob et à sa postérité ne nous concernaient pas. Seul le peuple juif pouvait en bénéficier. Sixièmement, nous étions sans espérance. Et septièmement, nous étions sans Dieu. C'est-à-dire que Yahvé, le Dieu d'Israël, n'était pas notre Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère? C'est pourquoi, lorsque tu ne connais pas Jésus, tu peux être exposé à toutes sortes de puissances sataniques, des attaques, parce que tu es sans Dieu. Tu es sans protection, abandonné à toi-même. Ça, c'était notre condition avant. Maintenant, la deuxième vérité nous révèle notre condition après que nous ayons reçu Christ. Là aussi, il y a cet élément que Paul est en train de stipuler dans ce passage. Premièrement, nous sommes maintenant rapprochés par le sang de Christ. Il est dit au verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Lorsque nous étions sans Christ, nous étions éloignés parce que nous étions des pécheurs. Mais à cause du sacrifice de Jésus, celui qui est mort sur la croix de Golgotha, son sang qui fut versé nous purifie, nous lave et brise la barrière de la sainteté de Dieu. À telle enseigne que nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu. À cause du sang de Jésus, Dieu ne nous voit plus dans nos péchés. Il nous voit maintenant saints. Quelle grâce! Deuxième condition, et ici l'apôtre Paul insiste sur l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, qui a fait que nous soyons rapprochés de Dieu. Il est dit au verset 14, « Il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Il existait un mur réel qui nous séparait de Dieu à cause de nos péchés. Et ce mur, seul Jésus-Christ, par l'œuvre de propitiation, de rédemption, a brisé lorsqu'il a versé son sang en payant la rançon. Ce mur qui nous séparait à la fois de Dieu et à la fois des Juifs a été renversé. Deuxième élément de notre condition, après Christ, nous sommes réconciliés avec les Juifs en un seul corps. Avant, nous, on ne peut pas se prévaloir d'appartenir au corps de Christ. Maintenant, en Jésus, nous sommes réconciliés avec les Juifs. Ce mur qui nous séparait avec les Juifs a été renversé de telle sorte que le Dieu d'Israël est devenu aussi notre Dieu à cause de Jésus-Christ. Troisième élément, nous avons accès auprès de Dieu par le même esprit, vous voyez? C'est-à-dire, Dieu n'est plus une propriété privée des Juifs. En cause de Jésus, quand nous acceptons Christ, le Saint-Esprit vient en nous et nous avons la liberté de nous approcher spirituellement. On n'a plus besoin de demander audience. On n'a plus besoin d'aller nécessairement en Israël pour parler avec Dieu. Nous avons accès auprès de Dieu par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si un Juif accepte Christ, il est enfant de Dieu, et moi aussi j'accepte Christ, j'ai le même accès par le Saint-Esprit. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Pour parler avec Dieu, tu n'as pas besoin de te déplacer, d'aller dans un lieu ou dans un pays quelconque. Partout où tu es, même au village, même au champ, tu as accès auprès de Dieu. Parce que lorsque Christ est mort, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Pourquoi te sens-tu toujours triste? Comme si tu n'es pas connu, même si les gens ne te connaissent pas. Mais tu es connu de Dieu, approche-toi de Dieu sans audience. Parce que Jésus-Christ a accompli l'œuvre. Tu as accès auprès de lui par le Saint-Esprit. Quatrièmement, nous sommes devenus concitoyens des saints. Vous voyez, nous avons donc la citoyenneté céleste. Nous sommes devenus non seulement enfants de Dieu, mais des citoyens du ciel. concitoyens des saints, c'est-à-dire avec les juifs, ceux-là qui ont cru en Jésus, nous sommes devenus concitoyens de saints. Les saints ici, c'est tous ceux qui ont cru en Christ, tous ceux qui sont séparés, ce ne sont pas des morts. Lorsque tu acceptes Christ, tu deviens un saint de Dieu, et c'est pourquoi avec les juifs, ceux qui croient en Dieu, nous devenons concitoyens des saints. Cinquièmement, nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu, cette maison qui est l'Église. Sixièmement, nous sommes devenus un temple saint. Il y a ce caractère saint. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Et ici, il insiste sur la sainteté. Lorsque je comprends que je suis le temple de Dieu, je dois m'éloigner du péché. Le mensonge, l'immoralité et toutes sortes de péchés doivent être éloignés parce que je fais partie, je suis devenu un temple saint de Dieu. Et septièmement, je suis devenu une habitation de Dieu. Il est dit au verset 21-22, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. » Si Dieu habite en moi, le Saint-Esprit habite en moi, je ne peux plus me comporter n'importe comment. Bien-aimé dans le Seigneur, marchons de la crainte de Dieu parce que nous savons que maintenant, nous avons le droit de citer. Nous sommes des concitoyens des saints. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions le louer, le célébrer en chantant ces cantiques. La gloire du ressuscité, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Racheté pour Dieu, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Gloire au Seigneur. Élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur pour tous ces privilèges qu'il t'a accordés en Jésus-Christ. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi le Dieu de gloire, le Dieu incomparable, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, le seul vrai Dieu, le Dieu souverainement élevé, le Dieu qui règne au-dessus de toute autorité, de toute principauté. Merci, ô Seigneur, toi le Dieu qui élève qui tu veux et qui abaisse qui tu veux. Oh, sois béni notre Père, notre Seigneur, toi le Père de gloire, le Dieu de gloire, le Seigneur de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu incomparable. Nous bénissons ton nom, ô notre Seigneur. Nous voulons encore nous recommander sous ta grâce afin que tu nous aides, Seigneur, à savoir choisir jour après jour ce qui te glorifie. Oh, glorifie-toi, Père, à travers nos vies. Oh, merci, Seigneur, toi le seul digne d'être élevé, glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous rappelons que notre passage du jour, c'est Éphésiens 2, 11 à 22. Nous venons de voir notre condition avant Christ et notre condition après Christ. Nous venons de voir ce que nous étions avant d'avoir connu Christ. Païens dans la chair, incirconcis, sans Christ, privés du droit de cité, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Nous allons prier encore pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu as peut-être un membre de famille, tu as un parent, tu as ton mari, tu as ta femme, tu as ton fils. Tu vas prier pour lui. Tu as peut-être ton patron qui te malmène. Je vais demander à quelqu'un, prie pour ton chef qui te malmène et le Seigneur le touchera et il va changer de vie au nom de Jésus-Christ. Prions pour toutes ces personnes. Amen. Éternel Dieu, toi qui règnes dans les lieux élevés, nous te rendons grâce et nous te bénissons ce matin. Nous te glorifions et nous te remercions pour tous tes bienfaits. Ton amour pour nous ne change jamais. Lorsque nous étions encore pécheurs, tu nous as aimés et tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour nous. C'est un privilège pour nous ce matin de te rendre grâce et de te glorifier. Nous prions au Père éternel pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs qui ne sont pas encore dans dans le Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, nos patrons qui nous malmènent parfois au niveau de notre travail, nous prions et nous intercédons en leur faveur. Nous demandons au Père éternel que ta grâce s'étende également à leur vie, que ta grâce s'étende également en eux, afin qu'ils puissent se tourner véritablement vers toi, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour nos frères, nous prions pour nos proches, nous prions pour nos amis, nous prions pour nos parents qui ne te connaissent pas, ô Père éternel. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ qu'ils connaissent, qu'ils expérimentent cette grâce, qu'ils expérimentent cette faveur au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que tout obstacle, tout blocage à l'accès de ta parole soit ôté dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour leur guérison spirituelle. Nous prions pour leur guérison morale. Nous prions pour leur restauration à tous égards dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour ce privilège que tu nous donnes d'intercéder ce matin envers nos proches. Merci Père parce que nous avons l'assurance que notre prière sera exaucée. Bénis chacun d'entre eux, ô Père éternel, et que ta faveur se manifeste dans leur vie afin qu'ils puissent te recevoir comme leur Seigneur et Sauveur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir notre condition après avoir rencontré Jésus. Nous sommes rapprochés par lui. Nous sommes rapprochés par le sang de Christ. Et nous venons de voir que nous jouissons des promesses, de l'alliance, les promesses que Dieu a faites à Abraham et à sa postérité, les promesses de bénédiction, les promesses d'élévation, toutes ces promesses sont les nôtres. Tu vas prier maintenant pour dire, Seigneur, maintenant en Jésus-Christ, je jouis de toutes sortes de promesses que tu as données à Abraham et à sa postérité. Au nom de Jésus, je prie maintenant que tu m'accordes ta grâce, que tu m'accordes ta bénédiction. Tu peux demander toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus, ça peut être les enfants, ça peut être l'enfantement, ça peut être la promotion, ça peut être l'argent. Oh, toutes ces bénédictions, tu en as droit en Jésus-Christ. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Merci notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, Dieu véritable, qui dit et la chose arrive, qui ordonne et la chose vient à l'existence. Tout ce qui a été dit dans la vie d'Abraham continue à s'exercer. Et j'ai foi en Jésus-Christ, ses promesses accomplissent dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce que nous faisons. Louange à toi, gloire à toi, honneur à toi, acclamation à toi. Parce que ta parole s'accomplit toujours, se réalise toujours. Merci Seigneur. Tu as dit à Abraham, et cela a suivi sa progéniture, et nous aussi, parce que le salut vient d'Israël. Et Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié en Jésus-Christ. Nous avons foi. Parce que tu es fidèle, nous recevons ce que tu nous as promis. Nous recevons ce que tu as dit à notre égard. Parce que tu as dit, tu connais les projets que tu as formés sur notre vie. Des projets de paix et non de malheur. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Si nous te cherchons de tout notre cœur, tu te laisseras trouver par nous. Gloire à toi. Merci pour la joie que tu donnes, la guérison que tu donnes, l'enfantement que tu donnes. Tout ce qui est bien pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit, un temple de Dieu, mais le temple saint. Prions pour que le Seigneur nous aide à marcher dans la sainteté. Que tout ce qui détruit ce temple soit ôté. Aujourd'hui dans l'église, tout ce dessuyer, le mensonge, le murmure, la jalousie, l'idolâtrie, la débauche, toutes ces choses-là, suis les temples de Dieu. Prions pour que ces choses s'éloignent de nos vies, s'éloignent de nos maisons, s'éloignent même de l'église aujourd'hui en tant que temple de Dieu, le temple qui doit refléter la sainteté. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'élever ton nom, de te glorifier, de te magnifier. Toi qui es saint, tu veux que nous soyons saints. Et c'est pour cela que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Seigneur, effectivement, le temple de Dieu que nous portons, qui est notre corps, est saint. Et c'est ce que nous sommes. Malheureusement, papa, nous sommes aujourd'hui devenus des hommes qui souillent constamment ton temple, notre corps. Nous sommes dans le mensonge, les murmures, la jalousie. Nous pratiquons la débauche et même l'idolâtrie. Ces choses se font même à l'église. Et souvent, en tant que responsable, en tant que chrétien, nous n'arrivons pas à dire, à dénoncer, à renoncer à tout ce que nous voyons qui se fait au milieu de nous. Aie pitié de nous, sanctifie-nous. Comme le psalmiste pouvait dire, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Père, fais-le, sanctifie-nous, retire-nous de ces choses qui souillent constamment notre corps, nos pensées et nos paroles. Merci de nous délivrer, merci de nous délivrer. Père, en nous-mêmes, nous n'avons aucune capacité d'en sortir. C'est pour cela que nous avons l'espoir qu'avec toi, tout est possible. Nous comptons sur toi, nos yeux sont sur toi. Merci de le faire et que nous devenons, oh Dieu, des chrétiens engagés, des chrétiens résolus et des chrétiens saints qui adorent un Dieu saint, saint, saint. Comme le disent les anges tous les jours. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler notre rendez-vous bonheur conjugal de ce dimanche 15 novembre à partir de 17h. Ce sera une rencontre spéciale de prière. Les mariés tout comme les célibataires, venez. Parce qu'à la fin de cette année, nous savons tout ce que l'ennemi mijote. Mais nous allons prier pour demander de manière spéciale une protection divine sur nos vies, sur notre famille et même sur notre nation. Ne manquez pas, c'est un rendez-vous important. L'entrée est libre. C'était OSB. Au revoir et à demain. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.